Même si ça habite là, peut dire oui, ça bout la terre là pour toi ça. Ça somme l'argent là pour toi ça. Mais dis moun la connaît qui ça, pas pour lui, il n'a pas gagné droit à prendre lui. S'il peut prendre lui, il peut prendre un morceau de 10 fait. S'il peut prendre lui, il peut prendre un morceau de 10 fait. Il peut pas prendre fortune, il peut pas prendre richesse, mais il peut préparer azab pour lui-même. Il peut prendre 10 fait pour lui-même. Donc, ça dit moun qui la loi kafir peut donner lui quitte chose. Il peut faire la partage, par exemple. Kafir peut donner plus qu'un tel. Kafir peut donner raison. Mais si Lili connaît les fins coquin, si Lili connaît les coupables, si Lili connaît les pas mérite ça qui chose, elle n'a pas gagné droit prendre lui, même si Kafir peut dire qu'il prend lui. Sinon, il ne peut pas le regretter après la mort. L'eau, la terre. Il y en a dit, vous avez gagné beaucoup la terre, vous avez gagné beaucoup toise, beaucoup apan, pas un moyen haram, pas coquin. Comme par exemple, l'un maman, papa, fin quitte l'héritage, frère qui plie faux, qui sert, il y a le côté notaire, soit il prend tout, bien il prend plus qu'il méritait. Ça insan, ça dit moun qui fait une coquin, même un toise ou bien la matière toise, il fin prend la terre qui n'est pas pour lui, puis en joli la case là, ça, sa fortune là, sa richesse là, pour le faire lui regretter après la mort. Dans un hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه, celui qui prend un arpent, pas arpent, mais un arpent, une distance entre nos pouces avec nos petits doigts, celui qui prend un arpent la terre, sans ce droit, sans qu'il y mérite, توقعه في سبع أراضين يوم القيامة, jour قيامت, prend tout ce coup avec cette la terre. Avec cette la terre. Nous pas connu dans qui façon ça la terre là en cette qualité ou bien cette lèse prend tous les coups ça insane là, mais pas sa expression là, il est facile mou nous comprend qui ça pas pour faire lui content sa jour quand la terre peut envelopper sous les coups là au qiyamah. Par sa expression là nous peut comprendre qui ça dit mon là pas souffert. Les pour souffrir jour qiyamah par sa bout la terre qui les fait une coquin quand ici dans dunia. Un bout s'il fait une coquin, il pas le souffrir, mais calcul ban qui peut coquin par toise, ban qui peut coquin par pas. Sa ban là, comment y a-t-il pour être, qui qualité punition qu'ils ont pour gagner jour qiyamah. Donc, richesse qui ramassée dans sa façon là, il pas une faveur ça, il est un malheur. Dans le hadith d'un Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah wa rasulahu harrama bay' al-khamr wal-mayta wal-khinzir wal-asnam. Certainement, Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam fin fait haram, fin fait illégal la vente divin, la vente en carcasse, c'est-à-dire en animaux. Un animal qui, Allah fin permet tout pour manger, mais l'inmo, pas un labo naturel, c'est-à-dire pas fin faire zabah. Ça s'appelle maïta. La vente, un maïta, il haram. La vente pork, haram. La vente ban idole, type tout bien grand, haram. Veut dire, ban dimoun qui peut servir sa ban l'article là pour vendre pour ramasser casse. Commerce peut bien masser avec sa bande l'article là, peut réussir l'oviter sa range la case l'étage, peut acheter campement, tout sa bande casse qui peut ramasser dans sa façon là, ça, lui prend une faveur à ça, lui un malheur à ça. Parce que, sa moyen qui dit moula peut servir, lui prend un moyen qui Allah content. Un moyen qui Allah fin fait haram. Et alors, sa richesse là, sa fortune qui insan peut ramasser dans sa façon là, n'est pas une faveur, mais une malheur. Dans le hadith d'un Bukhari, rapporté qui, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. فرابوتي dans ce hadith là veut dire que Rasulullah صلى الله عليه وسلم fin défan pour prendre prix 10 ans. Prix 10 ans. Nous connaissons quand nous coupons des animaux, 10 ans, ce 10 ans versé. Et il y a une personne qui ramasse sa 10 ans là, laisse les cahier, il casse sa 10 ans là, bas comptoir, et après laisse le client fini, il peut donner lui, et en retour il peut ramasser casse pour amener la case. Ça casse là, papa, je dis ça. Casse là, puis amène la case, puis amène malheur. Ça, l'argent qui peut ramasser, dans sa façon là, peut vendre 10 ans pour gagner casse. C'est pas faveur d'Allah qui lui permet la case, qui lui permet le malheur, qui lui peut le regretter plus tard. Dans le hadith d'un Bukhari, rapporté qui, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, naha an thamanil kalb, wa mahril baghi, wa hulwanil kahin. Peut rapporter dans un hadith là, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin défend, prit un lycien. Ça veut dire qu'un dimoun n'y peut vendre lycien, sa casse qui n'y peut gagner là, pas propre ça. Sa casse qui n'y peut ramasser là, pas faveur, ça a malheur. Premier, c'est Femanul Kelb, prix un lycien. Deuxième, Mahril Bari, un mauvais madame, bien un mauvais tifi, qui peut prêter sur l'écho et en retour peut gagner casse. Sa casse là, pas faveur ça, pas bon casse ça. Il s'en a pas le souffert avec sa casse-là. Wa hulwan il kahin. Un troisième, quand un traiteur, un qui peut déclarer l'icon raib, un qui dit, vini mo boudiao quand ou pour mort, vini mo boudiao si ou pour maïe ou tifié avec un tel, c'est pas lui pour rester bien ou bien non. Un qui peut embêter d'immune dans sa façon-là, et en retour, il peut gagner casse, pour y rendre joli la case l'étage, pour lui rouler joli le taux, sa casse qu'il peut ramasser là, pas une faveur à ça, li un malheur à ça. Donc, chers frères et sœurs, passe à Détroit l'exemple là, nous finissons comprendre. Comment y a, dix moun qui ramasse l'argent pas bon moyen qui Allah pas content. Dix moun qui vient riche pas bon moyen qui Allah fin défend. Cette richesse là, pas une faveur à ça, mais y a un malheur. Parmi les moyens qui Allah pas content, mais qui dit moun peut servir, et n'a qui peut préparer, dit fait pour mettre dans ce ventre, comme nous finit trouver dans l'exemple qui nous finit mentionner, et n'a qui peut le brûler dans différents enfer, et n'a qui Allah peut menacer aux autres, et n'a qui Allah peut discuter aux autres, ou qu'yamat, et n'a qui peut gagner un coup de rose dans ce labousse, et lui pour naser dans la rivière de Dissan, et n'a qui Allah peut punir aux autres, d'une façon qu'Allah pas fin fait nous connaître à ce là, mais il fait nous connaître qu'il y a une punition pour tel tel dimoun dans Dunia et dans Akhirat. Donc, chers frères et sœurs, faudrait pas qu'il nous gagne embêté par sa bonne moyen, par sa bonne moyen qui haram là, sa bonne moyen qui Allah pas content là, même qui ne peut trouver, dimoun qui peut servir sa bonne moyen là, peut gagner casse, dans tigine l'étang sur la case béton peut dibout. Dans Tigin l'étang, il fait une récit qu'il y a un casse par le fait de tout, Dunia. Mais, pas les ch'nougues embêtés par sa bande là, parce que sa richesse qui gagnait dans sa façon là, lui peine faveur d'Allah, ça, lui en malheur, et dit moun là, lui pour regretter, l'air Allah, sa punition pour commencer à descendre au lit, qu'il soit dans Dunia ou bien dans Akhirat. Mais nous finis dire, dans le commencement, deuxième condition pour qui sa richesse là lie une faveur d'Allah et lui reste une faveur d'Allah, faudrait qu'il dit moun qui possède lui place lui là côté Allah fin permet lui servir lui dans façon qui Allah content, dans façon qui Allah fin permet lui. Comme par exemple, si un dit moun Allah fin donne lui richesse, fin donne fortune. Premier normal, il dépense le sur l'écho même. Allah pan dit lui, tout ce qui te na est insan. Partage ban dimoun. Non. Dimoun a lui-même lui bénéficie avec ça. Avec sa richesse qu'Allah fin donne là, lui bénéficie avec ça. Premier pour sur les corps même. Il y a c'est bon manger, il mange. C'est bon quelque chose pour boire, quelque chose qui a fait halal, il boit. Quelque chose qui va mettre confort pour lui, pour sur les corps, dans sur la case, il y a c'est. Même si ça quitte chose là, c'est normal, sans qu'il y fait gaspillage, parce qu'Allah pas content, ben, qu'il fait gaspillage. Donc, les gains droit ça, insan, là. Il y a c'était bon manger. Il y a c'était bon quitte chose. Pour se l'écho, même, premièrement. Dans le hadith, dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, inna li jasadika alayka haqqan. Certainement, tout l'écho est un droit à l'autre. Certainement, tout l'écho est un droit à l'autre. Veut dire qui? Allah Ta'ala, il ne peut dire nous, si nous possédons richesse, partage ben du monde, fais-nous l'écho souffert, mette l'aise, desserrez-le nous l'écho, partage tout ben miskin. Non, Allah pas nous donne nous pour faire ça. Il fait de nous richesse, nous servir, nous bénéficier avec lui, nous profiter avec lui dans façon que Allah fin permet nous. Et après, nous guette ben du monde dans nous la case. Nous dépensons quelque chose pour eux. Ça aussi, ça dépense qui nous fait là. Une dépense qui, Allah content, quand nous passons quelque chose pour nous donner nous, madame, nos enfants, linge, manger, boire, et le confort en général, toujours sans gaspillage, Allah t'a content ça. Il y a un hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Iza anfaqa al-muslim nafaqatan ala ahlihi, wa huwa yahtasibuhu, kanat lahu sadaqa. » Quand un musulman, lui fait quitte dépense, dites bien qu'il profite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui dépense, pas absolument une belle quitte chose, n'importe qui dépense, il fait une faire, l'autre famille, ça veut dire, dans sur la case, ben, dis-moi qui dans sur la case, sous madame's enfant, bien, sous maman, papa, qui est ensemble avec lui, ça dépense qu'il fait là, mais avec une condition, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa huwa yahtasibuhu, veut dire, il peut faire sa dépense là, et il peut attendre quelque chose avec Allah. Il ne peut pas faire ça pour lui gagner l'honneur avec 10 mounes. Non. Il peut faire bonne dépense, il peut nourrir sur madame's enfants, il peut acheter bon quelque chose, il peut donner zop. Allah finit de donner beaucoup casse, il peut acheter bon, bon manger, il peut donner madame's enfants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, kanat lahu sadaqa. Sa bonne dépense, sa dépense qu'il fait à Allah, ça vient un sadaqa pour lui. C'est-à-dire pour ça aussi, il peut gagner une récompense auprès d'Allah. Pour ça aussi, il peut gagner un sawab. C'est-à-dire, ça aussi, Allah content, ça dépend ce qu'il peut faire, l'or ben dix mounes dans sur la case. Parce que quand il donne miskin en dehors, qu'il gagne sawab. Parce que quand il donne man étranger, ben qui est en difficulté en dehors sur la case, il est là qu'il gagne sawab. Mais non. Dans sa richesse qu'Allah finit de donner là, il donne une partie, il dépense l'or ben dix mounes dans sur la case. Il pas peut perdre quand il peut dépenser dans sur la case. Et aussi, si un dix mounes dans sa famille est un ben pauvre, faudrait pas qu'il tout le temps ligue ban pauvre en dehors famille pour lui faire sadaqa. Dans le hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui, un dimoun quand il dépensait, l'eau un pauvre dans sa famille, il gagne double récompense. Parce que, normalement, il y a un dimoun qui a tendance tout le temps pour dépenser avec ban pauvre qui est en dehors famille. Capable, sa propre cousine méritée, sa propre kala méritée. Ce propre n'avait mérité. Mais seulement, l'île bougeait toujours, ben, étranger. Il parle d'une telle organisation. Pourtant, dans sa famille, près avec lui, il connaît un tel qui pauvre. Peut-être qui, cousin qui pauvre là, ou bien nièce qui pauvre là, n'est pas osé ouvrir la bouche pour demander, mais si la personne trouvait qu'il y méritait, il dépensait dans la richesse qu'elle a fini de donner, dans du bien qu'elle a fini de donner, il dépensait là, ça va une famille qui pauvre là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il gagne double récompense. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ajrul qaraba wa ajrul sadaqa. Il gagne récompense. Une récompense parce qu'il peut dépenser l'eau famille, et il gagne récompense parce qu'il peut faire sadaqa. Guette comment le prophète finit expliquer, ça dit, il gagne double récompense. Donc, nous trouvons, chers frères et sœurs, quand Dimounina, get kot li place li place li même li pou profiter quand li peut place li dans une place kot Allah content li même pou gen récompense d'Allah. Allah même connaît dans qui façon pour récompenser dans dunya et dans akhirat. Dans le hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا واشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما شيئا. Dans ce hadith-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: moi, avec celui qui prend compte un orphelin, nous pouvons ça dans Jannat. Les prophètes ils disent, nous pouvons ça, ils finissent prendre sur les doigts. Ils finissent prendre sur l'index avec le majeur, ils finissent costelli, mais ils finissent quitter une petite distance en ça des doigts là. C'est pour montrer jusqu'à quel point l'hypopré avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il l'une est à sa dîmouna pour une jannat. Quand l'hypopré avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'en là? Celui qui vient prendre compte un yatim. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer un musulman en général, et en particulier un qui Allah finit donner les richesses. Comment il a profité avec ses richesses? Les dépenser loin yatim. Loin orphelin. Gete qui sa yatim là besoin? Même si sa yatim là pas pérez côté lui, ni capable d'une façon contribuer pour faire sa yatim là gagne quelque chose. C'est pas seulement se boire, se linge, se l'éducation profitable, se formation islamique. Ça dit moun qui n'a richesse là, a là une place côté lui capable, mais une partie sa richesse, côté sa richesse là, vine vraiment une faveur pour lui dans dunya et dans akhirat. Dans l'autre hadith d'un Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: As-sa'i 'ala al-armala wal-miskin kal-mujahid fi sabilillah aw al-qa'im al-layl as-sa'im an-nahar. Celui qui fait des efforts pour aider un veuve et un pauvre, lui paraît comme un mujahid, c'est-à-dire qui peut faire jihad fi sabilillah. Ou bien lui paraît comme un sadimoun qui dans la nuit peut faire namaz, tahajjud, et dans la journée il peut garder rosa. Il y a un zimoun quand il fait des efforts pour aider une veuve et un pauvre, il y a sa valeur devant Allah. Un zimoun qui peut sacrifier sur l'argent, sur l'état, sur l'énergie, pour aider une veuve et un pauvre, il paraît comme un mujahid dans le chemin Allah, ou bien, il paraît comme un sadimoun qui dans la nuit il peut faire ibadat Allah, il peut faire tahajjud, et dans la journée il peut garder rosa. Donc un zimoun, un musulman, et en particulier un qui a richesse, un qui Allah fin donne beaucoup, une autre façon encore qui nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, qui est capable de profiter avec sa richesse là, get un tel qui veuve, un tel pauvre, une partie dans ce qu'Allah fin donne nous donne sa pauvre là, nous donne sa veuve là, pour faire Allah ta'ala plaisir, sa richesse là, dans sa façon là, si nous servit, il peut venir une faveur pour nous. Dans le hadith d'Antilmizi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin pour y accéder la connaissance concernant din, la connaissance concernant l'islam, la connaissance concernant le Coran, le prophète dit, celui qui prend un chemin pour accéder la connaissance, Allah facilite pour lui un chemin vers Jannat. Et sa récompense, qui sa dimoun l'a gagné. Et comment Allah content sa dimoun l'a. Allah facilite pour lui un chemin vers Jannat. Et si Allah fait une facilite pour un kiken, un chemin vers Jannat, qui s'en est capable de détourner? Personne. Donc, chers frères et sœurs, quand un dimoun, il prend un chemin pour cesser l'éducation digne, pour un dimoun qui a l'argent, qui Allah fait une donner richesse, s'il connaît un tel, il prend direction pour cesser la connaissance digne, ça dit que Allah fait une donner fortune là, ça dit que Allah fait une donner richesse là, il tient une partie là-dedans. Pour faciliter sa insan, pour faciliter sa musulmane qui peut en prendre la connaissance concernant din. Il tient une partie dans sa richesse qui donne lui, ça a une place qui lui sûre, pas pésité pour regretter ça. C'est une place qui lui sûre, qui après la mort, il peut gagner sa récompense parce qui? Il peut aider sa insan là pour faire un travail qui Allah content beaucoup. Dans l'autre hadith d'Antirmizi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man kharaja fi talab al-ilm, fahwa fi sabilillah, hatta yarji'a. Celui qui sortit dans cesse la connaissance, lit dans fi sabilillah, lit dans chemin Allah, jusqu'à qu'il y retourne. Ça veut dire, quand nous dépensons l'eau indimoun, qui finit sorti par la prendre la connaissance digne. Chaque effort qui nous fait pour aider lui. L'argent qui nous tirait pour aider lui. Pour payer ce passage. Pour donner une casse pour lui servir, pour lui manger, boire là-bas. Quand il peut faire son étude ailleurs. Pour acheter ce livre, etc. Sa bonne casse qui nous tirait pour donner ça insane qui peut en prendre digne Allah là. Sa casse là, si nous place lui dans sa façon là, ça a une faveur qui insane la même pour bénéficier dans dunya et dans akhirat. Dans le hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man bana masjidan lillah, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui a rendu un masjid pour Allah, Allah a rendu une case pour lui dans le jannat. Celui qui a rendu un masjid pour Allah, pour faire Allah, ta'ala plaisir, pas pour gagner l'honneur avec Dimoun. Il a rendu un masjid, il dépense au casse. Il tient partie dans la richesse qu'Allah fin donne lui. Pour rendre la case Allah pour Dimoun, vient faire sijda pour Allah. Allah a rendu une case pour lui dans le jannat. Et donc, un dimoun qui même lui tient une partie sur richesse, il peut contribuer dans la construction d'un masjid, ça a une place, que tu peux place sur casse, que tu n'es pas pour regretter, parce qu'il y a une place qui Allah content. Donc, chers frères et sœurs, nous trouver, c'est un de l'exemple là. Un de l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Que nous capables de place, nous du bien, bien une partie nous du bien, une partie nous richesse. Nous servir de sa bonne place là, nous-mêmes pour bénéficier avec lui dans sa dunya là, et dans akhirat. Sa qualité richesse là, sa qualité du bien là, il y a une faveur d'Allah, et il y a une grande faveur d'Allah. Dans le hadith Bukhari, rapporté qui, un sahabi, qui s'appelle Ka'ab ibn Ujra, une fois, lisait avec un musulman, qui s'appelle Abdurrahman ibn Abi Layla, les jali, oh un tel, est-ce qu'il n'est pas content qu'il me donne un cadeau? Guette dans qui façon, guette qui qualité cadeau, guette qui qualité cadeau que ben là tu peux offrir, zot frère, sœur musulman. Ka'ab, dit avec Abdurrahman, est-ce qu'il te parle qu'il me donne toi un cadeau? Un cadeau qui m'a fait entendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Normal, Abdurrahman dit, mais oui, donne-moi un cadeau là. Lala, Ka'ab Jali, sa'alna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faqulna, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alayk, fa kaifa nusalli alayk. Ka'ab Jali, tu connais, un fan utidiman Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous Jali, ô messager d'Allah, nous connaissons comment besoin faire au salam, mais comment il y a besoin envoyer d'aroud l'eau? Envoyer d'aroud, c'est même qu'un arabe appelle as-salatu ala nabi. Comment il y a envoyer d'aroud l'eau? Léala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tifindienu, dire, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد او الله انفايت بنيكديكشن لو محمد وعلى آل محمد إلو الفامي محمد كما صليت على إبراهيم بايك ما توفينا انفايت بنيكديكشن لو إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلو فامي إبراهيم إنك حميد مجيد vraiment toi Allah te mérites tout louange et toi te mérites tout gloire. Allahumma barik ala Muhammad wa Allah béni Muhammad wa ala ali Muhammad et la famille de Muhammad kama barakta ala Ibrahim ba'gmatu fin béni Ibrahim wa ala ali Ibrahim et la famille de Ibrahim innaka hamidun majid. Certainement toi te mérites tout louange et te mérites tout gloire. Chers sœurs, chers frères et sœurs, guette dans qui façon, qui qualité cadeau, guette qui qualité cadeau, qui ban sahaba, qui be partage, ban musulman. Et alors nous aussi, nous capables, fais effort pour imiter, pour partager sa bonne qualité cadeau là. Quitte chose qui vous finit en panne, concernant parole Allah, concernant parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou capable de partager ça avec vos familles. Comment? Par moyen ou casse. Waste un livre concernant l'islam. Waste un cassette là qu'on finit enregistré, explication concernant parole Allah. Finit enregistré la vie prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Finit enregistré parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waste cassette. Dans richesse qu'Allah fin de nous, waste cassette et ou donne aux cousines qui ou connaît les pauvres là. Ou donne aux tchatcha qui ou connaît les pauvres là. Ou pape seulement les pauvres. Ou connaît. Ou calou qui pas intéressé avec din là, les pas posé tcha casse pour waste une cassette concernant din. Ou waste un ou djeli et tchatcha m'opé de nous sa cadeau. Et cousin, prends ça, toi écoute-li, mon père donne-toi les cadeaux. Et ou faire sa qualité dépense-là, attends nous récompense avec Allah, pas attendre petite chose avec Dimoun-là. Allah qui qualité cadeau qui est capable offert au prochain, que tu capable place ou l'argent, une partie ou fortune qu'Allah fin de nous, et ou capable bénéficier avec ça dans Dunya et dans Akhirat. Et aussi dans l'occasion mariage, surtout, une petite chose qui normalement dit moun pas faire, mais tiens bon, si vous faites-li. Get ban zélève Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ka'b ibn Ujra, qui a été cadeau qui dit peut offrir ban musulman. Nous, aujourd'hui, quand nous offrons cadeau, tout le temps, les besoins d'enfants matériels. Casse, broc, plateau, linge, souliers, savate. Dis pas des fans, mais seulement, pour nous gagner plus récompense avec richesse qui Allah fin de nous. À nous offrir un cadeau qui est un sahaba. Un bon sahaba qui peut offrir un musulman. À nous faire des efforts pour imiter ce bon sahaba là dans la façon qu'ils ont offert un cadeau. Et une jolie occasion encore, c'est quand il y a un mariage. Pas tout le temps. Pas tout le temps, n'est-ce qu'on a acheté linge, la poudre, parfum, etc. pour donner un tel qui peut marier. Mais aussi, autre occasion, acheter une cassette concernant explication concernant dîne. Acheter une cassette, là-dedans, une explication concernant dîne. Mettez-le dans sa cadeau, qui vous peut faire un tel dans l'occasion de ce mariage. Même qu'il n'est pas intéressé avec dîne, pas besoin de dire moun pour faire le cadeau. Même qu'il n'est pas intéressé avec dîne, qui connaît par sa une cassette ou des cassettes qui vous finissent de nid en cadeau dans l'occasion de ce mariage. Après un mois, ou après deux mois, ou après six mois, les voyez coûte cassette là. Et après, il y a le bénéfice avec sa cassette là, ou qu'on est qui quand il récompense ou gagne auprès d'Allah. Donc, chers frères et sœurs, Allah, coûte nous capable, place, une partie richesse, qui Allah, fin de nous, et dans Dunya même, nous vous gagnons sur récompense, inshallah, et dans Akhirat aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, fin prépare beaucoup de récompenses, pour ban qui dépense de richesse, pour ban qui place de richesse, coûte Allah fin permet de coûte Allah content. Nous demandons avec Allah, qu'Allah ta'ala aide-nous, s'il fin de nous richesse, qu'Allah aide-nous pour place sa richesse là, dans place qu'il est pour content, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait sa richesse là, vienne une faveur pour nous et non pas un malheur. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين